Chapitre 32 Les illusions. Après avoir amené Ophélie au vestiaire de l'opéra, Thorne s'en fut, sans un regard en arrière. Ils n'avaient plus échangé un mot, ni l'un ni l'autre. Ophélie eut l'impression de marcher comme dans un rêve, tandis qu'elle avançait seule sur le parquet scintillant du grand hall. Les lustres brillants de mille feux l'agressaient. Elle retrouva l'escalier d'honneur désert cette fois, puis l'entrée des artistes située une volée de marches plus bas. À part quelques veilleuses, toutes les lumières étaient éteintes et il n'y avait plus personne, ni machiniste, ni figurant. Ophélie se tint immobile dans le couloir, au milieu des éléments de décor abandonnés dans l'ombre, ici un navire en carton-pâte, là de fausses colonnes en marbre. Elle écoutait le sifflet douloureux de sa respiration. « Je ne vous aime pas », elle l'avait dit. Elle n'aurait pas cru que des mots aussi simples pouvaient autant donner mal au ventre. Il lui semblait que sa côte lui broyait tout l'intérieur du corps. Ophélie se perdit un moment dans les couloirs mal éclairés, échouant tantôt sur la salle des machines, tantôt sur les toilettes, avant de retrouver la loge des cantatrices. La tante Roseline était restée plongée dans le noir, assise sur sa chaise, le regard dans le vague, pareille à une marionnette dont on aurait coupé les fils. Ophélie tourna le bouton de la lumière et s'approcha d'elle. « Ma tante !» lui chuchota-t-elle à l'oreille. La tante Roseline ne répondit pas. Ses mains seules s'animaient, déchirant une partition musicale, puis la ressoudant d'un glissé de doigts, la déchirant encore, la ressoudant encore. Peut-être se croyait-elle dans son vieil atelier de restauration. Il ne fallait pas que quelqu'un assistât à cela. Ophélie remonta ses lunettes sur son nez. Elle allait devoir se débrouiller seule pour emmener la tante Roseline en lieu sûr. Avec des gestes délicats, essayant de ne pas la brusquer, elle lui confisqua sa partition, puis elle la prit par le bras. Elle fut soulagée de la voir se lever docilement. « J'espère que nous n'allons pas au square ?» marmonna la tante Roseline entre ses longues dents chevalines. « Je déteste le square. » « Nous allons aux archives, » mentit Ophélie. « Le grand-oncle a besoin de vos services. » La tante Roseline hocha la tête d'un air professionnel. Dès qu'il s'agissait de sauver un livre de la destruction du temps, elle répondait à l'appel. Sans cesser de lui tenir le bras, Ophélie la fit sortir de la loge. Elle avait vraiment l'impression de guider une somnambule. Elles longèrent un couloir, en empruntèrent un deuxième, rebroussèrent chemin au troisième. Les sous-sols de l'opéra étaient un véritable labyrinthe et le mauvais éclairage n'aidait pas à s'y retrouver. Ophélie se figea quand elle entendit un gloussement étouffé, non loin de là. Elle lâcha le bras de sa tante et jeta un coup d'œil par l'entrebâillement des portes voisines. Dans la garde-robe des figurants, où les costumes de scène s'alignaient comme d'étranges sentinelles, un homme et une femme s'embrassaient langoureusement. Ils étaient à demi allongés sur une méridienne, dans une posture à la limite de l'indécence. Ophélie aurait passé son chemin si elle n'avait reconnu, à la lueur des veilleuses, le haute forme éventrée d'Archibald. Elle le croyait rentrer au clair de lune avec ses sœurs. Le baiser qu'il donnait à sa partenaire était dénué de tendresse, si appuyé et si furieux, qu'elle finit par le repousser en s'essuyant les lèvres. C'était une femme élégante, couverte de bijoux, qui devait avoir au moins 20 ans de plus que lui. « Goujat, vous m'avez mordu !» Il n'y avait pas beaucoup de conviction dans sa colère, elle souriait avec appétit. « Je vous soupçonne de vous passer les nerfs sur moi, malotru. Même mon mari ne s'y risquerait pas. » Archibald posa sur la femme des yeux implacablement clairs, sans aucune passion. C'était une source perpétuelle d'étonnement pour Ophélie de le voir mettre autant de dames dans son lit en leur prodiguant si peu d'affection. Même s'il avait un visage d'un ange, elles étaient bien faibles de lui céder. « Vous voyez juste, » admit-il de bon gré. « Je suis effectivement en train de me passer les nerfs sur vous. » La femme éclata d'un rire suraigu et fit glisser ses doigts bagués sur le menton imberbe d'Archibald. « Vous ne décollerez pas depuis tout à l'heure, mon garçon. Vous devriez pourtant vous sentir honoré que le seigneur Farouk ait des vues sur vos sœurs. »« Je le hais. » Archibald avait dit cela comme il aurait dit « Tiens, il pleut » ou « C'était froid ». « Vous blasphémez !» ricana la femme. « Essayez au moins de ne pas dire ces choses-là à voix haute. Si c'est la disgrâce qui vous tente, ne m'entraînez pas dans votre chute. elle se renversa sur la méridienne de velours, tête en arrière, dans une pose théâtrale. « Notre Seigneur a deux obsessions très chères, son plaisir et son livre. Si vous ne flattez pas le premier, il vous faudra songer à déchiffrer le second. »« J'ai peur que Bérénilde ne m'ait déjà damé le pion pour l'un comme pour l'autre, » soupira Archibald. S'il avait eu un regard vers l'entrebâillement de la porte, il aurait surpris la face incolore de Mime qui écarquillait les yeux. « Ainsi j'avais vu juste, » songea Ophélie en serrant les poings dans ses gants. « Cette rivale qu'il redoute, ce n'est personne d'autre que moi. Moi et mes petites mains de liseuse. » Assurément, Bérénilde avait bien manœuvré. « Je me ferai une raison, » ajouta Archibald avec un haussement d'épaules. « Tant que Farouk s'intéresse à elle, il ne s'intéresse pas à mes sœurs. » « Pour un homme qui goûte autant la compagnie des femmes, je vous trouve adorablement vieux jeu. »« Les femmes, c'est une chose, Madame Cassandre. Mes sœurs en sont une autre. »« Si seulement vous pouviez être jaloux avec moi comme vous l'êtes avec elle. » Archibald repoussa son haut de forme pour se dégager le front, l'air perplexe. « Vous demandez l'impossible. Vous m'êtes parfaitement indifférente. » Madame Cassandre s'accouda au bord rembourré de la méridienne, visiblement refroidie. « C'est là votre principal défaut, ambassadeur. Vous ne mentez jamais. Si vous n'usiez et n'abusiez pas de votre charme, ce serait tellement simple de vous résister. » Un sourire traversa le profil pur et lisse d'Archibald. « Vous souhaitez en refaire l'expérience ?» dit-il d'une voix doucereuse. Madame Cassandre cessa aussitôt de minauder, devenue toute pâle dans l'atmosphère tamisée des veilleuses, saisie par une émotion brutale, elle le considéra avec adoration. « À mon grand regret, je le souhaite, » implora-t-elle. « Oh, faites-moi ne plus me sentir seule au monde. » Alors qu'Archibald se penchait sur Madame Cassandre avec les yeux mi-clos d'un chat, Ophélie se détourna. Elle n'avait aucune envie d'assister à ce qui allait suivre dans cette garde-robe. Elle retrouva la tante Roseline à l'endroit précis où elle l'avait laissée. Elle la prit par la main pour l'entraîner loin de cet endroit. Ophélie s'aperçut bientôt que quitter le grand opéra familial ne serait pas chose aisée. Elle eut beau montrer et remontrer sa clé de chambre au groom d'ascenseur, prouvant son appartenance au clair de lune, il ne voulut rien savoir. « Je ne prends à mon bord que des personnes respectables, petit muet. » « Celle-là, » dit-il en pointant un doigt dédaigneux sur la tante Roseline, « m'a tout l'air d'avoir pris trop de champagne. » Son chignon hissé avec dignité, elle serrait et desserrait ses mains en marmottant des phrases décousues. Ophélie commençait à croire qu'elles allaient passer la nuit dans ce hall d'opéra quand une voix gutturale au fort accent étranger vint à son secours. « Laisse-les donc monter à bord, mon gars. Ces deux-là sont avec moi. » La mère Hildegarde approchait, à petits pas, faisant teinter sur le parquet une canne en or massif. Elle avait maigri depuis son empoisonnement, mais ça n'empêchait pas sa robe à fleurs d'être trop étroite pour son fort embonpoint. Cigare à la bouche, elle avait teint en noir ses épais cheveux poivre, ce qui ne la rajeunissait en aucune façon. « Vous êtes priée de ne pas fumer dans l'ascenseur, madame, » dit le groom d'un ton pincé. La mère Hildegarde écrasa son cigare non pas dans le cendrier qu'il lui tendit, mais sur sa livrée, jaune miel. Le groom contempla le trou causé par la brûlure d'un air catastrophé. « Ça t'apprendra à me parler respectueusement, » ricana-t-elle. « Ces ascenseurs, c'est moi qui les ai fabriqués. Tâche de te le rappeler à l'avenir. » Elle prit place dans la cabine, s'appuyant de tout son poids sur sa canne avec un sourire possessif. Petit boudoir aux parois capitonnées, cet ascenseur-là était plus modeste que celui qu'avait pris la troupe de l'opéra pour monter. Ophélie poussa précautionneusement la tante Roseline à l'intérieur, espérant de tout son cœur qu'elle ne les trahirait pas, puis elle fit un salut aussi profond que le lui permettait sa côte fêlée. C'était la deuxième fois que la mère Hildegarde lui venait en aide. Elle fut déconcertée quand la vieille architecte répondit à sa courbette par un éclat de rire, tonitruant. « Nous sommes quittes, gamin. Un rameur sans sa rame. Il me fallait au moins ça pour ne pas mourir d'ennui à cet opéra. » « Je me suis désopilé la rate jusqu'à l'entracte. » Le groom abaissa le levier d'un geste sec, certainement humilié de prendre à son bord une femme aussi peu respectable. Ophélie, elle, ressentait de l'admiration pour la mère Hildegarde. Elle avait peut-être des manières de tavernier, du moins bousculait-elle les conventions de ce monde sclérosé. Quand elles arrivèrent dans la galerie centrale du clair de lune, la mère lui tapota la tête d'un geste familier. « Je t'ai rendu service deux fois, mon garçon. Je ne te demanderai qu'une chose en retour, c'est de ne pas l'oublier. Les gens ici ont la mémoire courte, » ajouta-t-elle en tournant ses petits yeux noirs vers le groom. « Mais moi, je me souviens pour eux. » Ophélie fut prise de regret quand la vieille architecte partit de son côté à petits coups de canne. Elle se sentait si démunie ce soir qu'elle était prête à accepter l'aide de n'importe qui. Elle entraîna doucement sa tante à travers la galerie, évitant de croiser le regard des gendarmes au garde-à-vous le long des murs. Il lui faudrait probablement des années avant de pouvoir marcher devant eux sans se sentir nerveuse. Le clair de lune était inhabituellement calme. Ses innombrables horloges indiquaient minuit et quart. Les nobles ne redescendraient pas de la tour avant le petit matin. Dans les couloirs de service, au contraire, l'ambiance était à la fête. Les soubrettes soulevaient leurs tabliers pour courir, se touchaient en criant « chat », puis repartaient dans de grands éclats de rire. Elles n'accordèrent pas un regard au petit mime qui aidait la suivante de Madame Bérénilde à monter l'escalier. Parvenue au dernier étage du château, tout au fond du grand corridor, dans les beaux appartements de Bérénilde, Ophélie se sentit enfin à l'abri. Elle invita sa tante à s'étendre sur un divan, cala un coussin rond sous sa tête, lui déboutonna le col pour l'aider à mieux respirer et réussit, à force de persévérance, à lui faire avaler un peu d'eau minérale. Les sels ammoniaco qu'Ophélie lui glissa sous le nez n'eurent aucun effet. La tante Roseline poussa de grands soupirs bruyants, ses yeux roulant dans l'entrebâillement de ses cils, puis elle finit par s'assoupir, du moins, Ophélie le supposa-t-elle. « Dormez, » pensa-t-elle très fort. « Dormez et réveillez-vous pour de bon. » Une fois affalée dans un fauteuil crapaud près du tuyau du calorifère, Ophélie se rendit compte qu'elle était morte de fatigue. Le suicide de Gustave, la visite des dragons, cet interminable opéra, les délires de tante Roseline, le coup de griffe de Freyja, la gare désaffectée, le sourire d'Archibald et cette côte, cette maudite côte qui ne lui laissait aucun répit, Ophélie avait l'impression de peser deux fois plus lourd que la veille. Elle aurait voulu se fondre dans le velours du fauteuil. Elle ne parvenait pas à se sortir Thorn de la tête. Il avait dû se sentir terriblement humilié par sa faute. Ne commençait-il pas déjà à regretter de s'être lié à une femme aussi ingrate? Plus elle ruminait ses pensées, plus Ophélie en voulait à Bérénilde d'avoir organisé ce mariage. Cette femme ne songeait qu'à posséder Farouk. Ne voyait-elle pas qu'elle lui faisait souffrir, Thorn et elle, pour son intérêt personnel ? « Je ne dois pas me laisser aller, » raisonna Ophélie. « Je vais préparer du café, veiller sur la tante Roseline, soigner ma joue. » Elle s'endormit avant d'avoir fait le tour de tout ce qui lui restait à faire. Ce fut le cliquetis du bouton de porte qui la tira de son sommeil. De son fauteuil, elle vit Bérénilde entrer dans la pièce. À la lueur rose des lampes, elle semblait à la fois radieuse et épuisée. Ses boucles, libérées de toutes leurs épingles, ondulaient autour de son visage délicat comme un nuage d'or. Elle portait toujours sa robe de scène, mais la collerette en dentelle, les rubans de couleur et les longs gants veloutés s'étaient perdus en chemin. Bérénilde posa un regard sur la tante Roseline, assoupie sur le divan, puis un autre sur Mime, assis à côté du tuyau de calorifère. Elle ferma alors la porte à clé pour les couper du monde extérieur. Ophélie dut s'y prendre à deux fois pour se mettre debout. Elle était plus rouillée qu'un vieil automate. « Ma tante, » dit-elle d'une voix rauque, « elle ne va pas bien du tout. » Bérénilde lui offrit son plus beau sourire. Elle s'approcha d'elle avec la grâce silencieuse d'un cygne glissant sur un lac. Ophélie s'aperçut alors que ses yeux, si limpides en temps normal, étaient troubles. Bérénilde sentait l'eau de vie. « Votre « Votre tante ?» répéta-t-elle avec douceur. « Votre tante ?» Bérénilde ne leva pas le petit doigt, mais Ophélie sentit une gifle magistrale lui dévisser la tête des épaules. La griffure de Freyja pulsa de douleur à sa joue. « Voilà pour la honte dont votre tante m'a couverte. » Ophélie n'eut pas le temps de se remettre qu'une nouvelle gifle projeta son visage de l'autre côté. « Et voilà pour le ridicule que vous, oublieux petit rameur, ne m'avez pas épargné. » Les joues d'Ophélie brûlaient comme si elles avaient pris feu. La moutarde lui monta au nez. Elle empoigna une carafe de cristal et vida son eau sur le visage de Bérénilde. Celle-ci demeura stupide, tandis que son maquillage coulait de ses yeux en de longues larmes grises. « Et voilà qui devrait vous rafraîchir les idées, » dit Ophélie d'une voix sourde. « Maintenant, vous allez examiner ma tante. » Dégrisée, Bérénilde s'essuya le visage, rassembla ses jupes et s'agenouilla devant le divan. « Madame Roselyne ?» appela-t-elle en lui secouant l'épaule. La tante Roselyne s'agita, soupira, bougonna, mais rien de ce qu'elle disait n'était intelligible. Bérénilde lui souleva les paupières sans parvenir à accrocher son regard. « Madame Roselyne, m'entendez-vous ? Vous devriez aller chez le barbier, mon pauvre ami, » répondit la tante. Penchée sur l'épaule de Bérénilde, Ophélie retenait son souffle. « À votre avis, quelqu'un l'aurait-il droguée ? Depuis combien de temps est-elle ainsi ? Je crois que ça lui a pris juste avant la représentation. Elle était parfaitement elle-même tout au long de la journée. Elle avait un peu le trac, mais pas à ce point-là. Elle ne paraît faire plus aucune différence entre le moment présent et ses souvenirs. » Bérénilde se releva péniblement, fourbue. Elle ouvrit un petit placard vitré, se servit un verre d'eau-de-vie et prit place dans le fauteuil crapaud. Ses cheveux mouillés lui pleuraient dans le cou. « Il semblerait qu'on ait emprisonné l'esprit de votre tante dans une illusion. » Ophélie crut être frappée par la foudre. « Si Madame Bérénilde perd son bébé avant ce soir, je n'aurai aucune raison de m'en prendre à votre parente. » Où avait-elle entendu ces mots ? Qui les avait prononcés ? Ce n'était pas Gustave, non ? Il lui semblait que sa mémoire faisait des ruades dans sa tête pour la forcer à se rappeler quelque chose d'essentiel. « Le chevalier, » murmura-t-elle confusément. « Il était dans l'ascenseur, avec nous. » Bérénilde haussa les sourcils, puis observa le jeu de la lumière à travers son verre d'eau-de-vie. « Je connais la marque de fabrique de cet enfant. Quand il enferme une conscience dans ces strates-là, on ne s'en tire que de l'intérieur. Ça vous happe par derrière, ça s'infiltre en vous. » Ça se chevauche avec la réalité, et puis d'un coup, sans prévenir, vous êtes pris au piège. Sans vouloir jouer les rabat-joie, ma petite, je doute que votre tante dispose d'un mental assez fort pour se sortir de là. La vision d'Ophélie se brouilla. Les lampes, le divan et la tante Roselyne se mirent à tournoyer, comme si plus jamais le monde ne devait connaître de stabilité. « Libérez-la, » dit-elle dans un fantôme de voix. Bérénilde tapa du talon, agacée. « M'écoutez-vous, sotte ! Votre tante est perdue dans ses propres méandres. Il n'y a rien que je puisse faire contre cela. »« Alors, demandez au chevalier, » bredouilla Ophélie. « Il n'a pas pu agir ainsi sans arrière-pensée, n'est-ce pas ? Il attend forcément quelque chose de nous. On ne marchande pas avec cet enfant. » La coupa Bérénilde. « Ce qu'il fait, il ne le défait jamais. Allons, consolez-vous, chère petite. Madame Roselyne ne souffre pas. Et nous avons d'autres soucis. » Ophélie la dévisagea avec horreur tandis qu'elle sirotait son verre à petite gorgée. « Je viens d'apprendre que la servante qui jouait votre rôle au manoir s'est défenestrée. Un accès de folie passagère, » précisa Bérénilde avec une ironie appuyée. « Le chevalier a percé notre secret et tient à nous le faire savoir. Et cette chasse qui commence dans quelques heures, » soupira Bérénilde exaspérée. « Tout cela est vraiment regrettable. » « Regrettable, » répéta lentement Ophélie, incrédule. Une innocente avait été assassinée par leur faute. La tante Roselyne venait d'être embarquée pour un voyage sans retour et Bérénilde trouvait cela regrettable. Les lunettes d'Ophélie s'assombrirent comme si une nuit brutale leur était tombée dessus, une nuit peuplée de cauchemars. Non, tout cela n'était qu'un malentendu. Cette petite servante n'était pas réellement morte. La tante Roseline allait s'étirer en bâillant et refaire surface. Je vous avoue que je commence à perdre patience, soupira Bérénilde en contemplant ses traces de maquillage dans son miroir à main. J'ai voulu respecter la tradition, mais ces fiançailles traînent en longueur. Il me tarde que Thorne vous épouse enfin. Alors qu'elle portait son verre à ses lèvres, Ophélie le lui arracha des mains et le brisa sur le tapis. Elle déboutonna sa livrée pour la jeter au loin. Elle voulait se débarrasser une bonne fois du visage de mime qui faussait sa propre expression, bien déterminée à dévoiler sa colère au grand jour. Quand Bérénilde la vit telle qu'elle était, amaigrie sous sa chemise, la peau couverte de bleu et de sang, les lunettes tordues, elle ne put se retenir de hausser les sourcils. « Je ne savais pas que les gendarmes vous avaient abîmé à ce point. « Combien de temps encore allez-vous jouer avec nous ?» s'emporta Ophélie. « Nous ne sommes pas vos poupées !» Confortablement assise dans son fauteuil, décoiffée et démaquillée, Bérénilde ne se départit pas de son calme. « Voilà donc à quoi vous ressemblez lorsqu'on vous pousse dans vos derniers retranchements, » murmura-t-elle en contemplant les débris de verre sur le tapis. « Pourquoi donc croyez-vous que je vous manipule ?» J'ai surpris des conversations, madame. Elles m'ont éclairé sur certaines choses que vous vous êtes bien gardée de m'apprendre. Excédée, Ophélie tendit les bras, mains relevées, doigts en éventail. C'est cela que vous convoitez depuis le début. Vous avez fiancé votre neveu à une liseuse parce que là-haut, quelque part dans cette tour, un esprit de famille souhaite que quelqu'un déchiffre son livre. Ophélie se vidait enfin de ses pensées, comme une bobine de fil emportée par sa chute. Ce qui inquiète tout le monde à la cour, ce n'est pas notre mariage, c'est que ce soit vous qui remettiez à Farouk ce qu'il désire le plus. Une personne susceptible de rassasier sa curiosité. Vous deviendriez définitivement indétrônable, n'est-ce pas? Libre de faire tomber toutes les têtes qui vous déplaisent. Comme Bérénilde, de son sourire figé sur les lèvres, ne daignait pas répondre, Ophélie ramena ses bras le long du corps. J'ai une mauvaise nouvelle, madame. Si le livre de Farouk est composé de la même matière que le livre d'Artémis, alors il n'est pas lisible. Il l'est. Les mains croisées sur son ventre, Bérénilde avait finalement décidé de jouer carte sur table. Il l'est même si bien que d'autres liseurs en ont déjà fait l'expérience, poursuivit-elle posément. Vos propres ancêtres, ma chère petite. C'était il y a bien longtemps. Ophélie écarquilla les yeux derrière ses lunettes. La dernière note du journal de l'aïeul Adélaïde lui revint à la mémoire comme une claque. Rodolphe a enfin signé son contrat avec un notaire du seigneur Farouk. Je n'ai pas le droit d'en écrire davantage, secret professionnel oblige, mais nous rencontrerons leur esprit de famille demain. Si mon frère fait une prestation convaincante, nous allons devenir riches. « À qui suis-je lié par contrat ? À vous, madame ? Ou à votre esprit de famille ?»« Vous comprenez enfin !» soupira Bérénilde en réprimant un bâillement. « La vérité, ma chère petite, c'est que vous appartenez autant à Farouk que vous appartenez à Thorne. » Choquée, Ophélie repensa à la mystérieuse cassette remise à Artémis pour sceller l'alliance entre les deux familles. Que contenait donc cette boîte? Des bijoux? Des pierres précieuses? Sans doute moins. Ça ne devait pas coûter bien cher, une fille comme Ophélie. Personne ne m'a demandé mon avis. Je refuse. Refusez? Et vous fâcherez nos deux familles, l'avertit Bérénilde avec sa voix de velours. Si au contraire, vous agissez tel qu'on l'espère de vous, vous serez la protégée de Farouk, à l'abri de toutes les méchancetés de la cour. Ophélie n'en croyait pas un traître mot. Certains de mes ancêtres ont déjà lu son livre, dites-vous. Je suppose que si l'on fait appel à moi aujourd'hui, c'est que leur tentative n'a pas été concluante. Le fait est qu'ils n'ont jamais réussi à remonter assez loin dans le passé, dit Bérénilde avec un sourire dénué de joie. La tante Roseline s'agita sur le divan, le cœur battant. Ophélie se pencha sur elle, mais elle déchanta aussitôt. La tante continuait de divaguer entre ses longues dents. Ophélie considéra un moment son visage cireux, puis elle revint à Bérénilde, sourcils froncés. « Je ne vois ni pourquoi j'offrirais une meilleure prestation, ni pourquoi vous me mariez pour parvenir à vos fins. » Agacée, Bérénilde claqua impatiemment sa langue contre son palais. « Parce que vos ancêtres n'avaient ni votre talent, ni celui de Thorn. » « Le talent de Thorn ? » releva Ophélie prise au dépourvu. « Ses griffes ! Sa mémoire !» Bérénilde se carra dans son fauteuil et allongea ses bras tatoués sur les accoudoirs. « Une redoutable et implacable mémoire qu'il a héritée du clan de sa mère, les chroniqueurs !» Ophélie haussa les sourcils. La mémoire de Thorn était un pouvoir familial. « Admettons, bredouilla-t-elle, je ne comprends pas ce que sa mémoire et notre mariage ont à voir avec cette lecture. » Bérénilde éclata de rire. « Ils ont absolument tout à voir. Vous a-t-on parlé de la cérémonie du don ? Elle permet de combiner les pouvoirs familiaux. Cette cérémonie se pratique à l'occasion des mariages, et des mariages uniquement. C'est Thorn qui sera... « Le liseur de Farouk. Pas vous. » Il fallut un temps considérable à Ophélie pour assimiler ce que Bérénilde était en train de lui dire. « Vous voulez greffer mes aptitudes de lecture à sa mémoire ? L'alchimie promet d'être efficace. Je suis convaincue que ce cher enfant fera des merveilles. » Ophélie regarda Bérénilde du fond de ses lunettes. À présent que la colère lui était sortie du corps, elle se sentait affreusement triste. « Vous êtes méprisable !» Les lignes harmonieuses de Bérénilde s'effondrèrent et ses beaux yeux s'agrandirent. Elle serra ses mains autour de son ventre, comme si une lame venait de la poignarder. « Qu'ai-je fait pour que vous me jugiez aussi durement ? Vous me posez la question ?» s'étonna Ophélie. « Je vous ai vu à l'opéra, madame. L'amour de Farouk vous est acquis. Vous portez son enfant. Vous êtes sa favorite et vous le serez longtemps encore. Alors pourquoi impliquer Thorn dans vos manigances ?»« Parce que c'est lui qui en a décidé ainsi, » se défendit Bérénilde en secouant ses cheveux mouillés. « Je n'ai organisé votre mariage que parce qu'il en a formulé le souhait. » Ophélie était écœurée par cet étalage de mauvaise foi. « Vous mentez encore. Quand nous étions à bord du dirigeable, Thorn a essayé de me dissuader de l'épouser. » Le beau visage de Bérénilde était décomposé, comme si l'idée qu'Ophélie pût la détester lui était insupportable. « Croyez-vous qu'il est homme à se laisser manipuler ainsi ? Ce garçon est beaucoup plus ambitieux que vous n'avez l'air de le penser. Il voulait les mains d'une liseuse. Je lui ai trouvé les mains d'une liseuse. Peut-être a-t-il jugé en vous voyant la première fois que mon choix n'était pas le plus inspiré. J'avoue avoir douté de vous, moi aussi. » Ophélie commença malgré elle à se sentir ébranlée. C'était bien pire que cela, en fait. Elle avait l'impression qu'un froid pernicieux était en train de pénétrer dans son sang, de remonter lentement ses veines jusqu'à atteindre son cœur. Quand elle avait déclaré à Thorn qu'elle ne remplirait jamais auprès de lui le rôle d'une épouse, il s'était montré si accommodant, beaucoup trop accommodant. Il n'avait pas perdu son sang-froid, il n'avait pas cherché à argumenter, il ne s'était pas comporté comme l'aurait fait un mari éconduit. « Comme j'ai été naïve !» chuchota Ophélie. Durant toutes ces semaines, ce n'était pas elle que Thorn s'était évertué à protéger, c'était ses mains de liseuse. Elle se laissa pesamment tomber sur un tabouret et fixa les souliers vernis de mime à ses pieds. Elle avait dit à Thorn, droit dans les yeux, qu'elle lui faisait confiance, et il s'était lâchement dérobé à son regard. Elle s'était sentie tellement coupable de le rejeter et tellement reconnaissante qu'il ne la répudia pas. Elle avait la nausée. Prostrée sur son tabouret, Ophélie ne vit pas tout de suite que Bérénilde s'était agenouillée auprès d'elle. Elle caressa les nœuds de ses cheveux sombres puis les plaies de son visage avec une expression douloureuse. « Ophélie, ma petite Ophélie. Je vous croyais dépourvue de cœur et de jugeote. Je me rends compte à présent de mon erreur. De grâce, ne soyez pas trop sévère avec Thorn et avec moi. Nous essayons simplement de survivre. Nous ne vous instrumentalisons pas pour le plaisir. Ophélie aurait encore préféré qu'elle ne dît rien. Plus Bérénilde parlait, plus ça lui donnait mal au ventre. Accablée de fatigue, étourdie par l'alcool, Bérénilde posa sa joue sur ses genoux, pareille à une enfant en mal d'amour. Ophélie ne se sentit pas le cœur de la repousser quand elle s'aperçut qu'elle pleurait. « Vous avez trop bu, » lui reprocha-t-elle. « Mes enfants !» hoqueta Bérénilde en enfouissant son visage contre le ventre d'Ophélie. « On me les a enlevés, un par un matin. C'est de la ciguë qu'on a versée dans le chocolat chaud de Thomas. Un jour d'été, ma petite Marion a été poussée dans un étang. Elle aurait eu votre âge. Elle aurait eu votre âge. Madame, murmura Ophélie. Bérénilde ne pouvait plus retenir ses larmes. Elle reniflait, gémissait, dissimulait sa figure dans la chemise d'Ophélie, honteuse de cette faiblesse à laquelle elle s'abandonnait. Et Pierre, qu'on a retrouvé pendu à cette branche, un par un, j'ai cru mourir, j'ai voulu mourir. Et lui, lui, vous pourrez me dire qu'il a tous les défauts, mais il a été là quand Nicolas, mon mari, est mort à la chasse. Il a fait de moi sa favorite. Il m'a sauvée du désespoir, comblée de cadeaux, promis la seule chose au monde qui pouvait donner du sens à ma vie. Bérénilde s'étrangla de sanglots, puis articula du bout des lèvres. « Un bébé !» Ophélie poussa un profond soupir. Elle dégagea doucement le visage de Bérénilde, noyé sous les larmes et les cheveux. « Vous vous êtes enfin montrée honnête avec moi, madame. Je vous pardonne.